Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est toujours l'émission Tranche d'un art, l'émission anarchiste de Radio Air Libre, comme tous les vendredis soirs, de 21h30 à 22h. Non, de 21h à 22h30, excusez-moi. Mais 21h15, ça dépend. Il est, je ne sais pas quelle heure il est, mais il doit être à peu près 20, je ne sais pas combien. Vous vous trouvez donc... nous sommes toujours au 365A Chaussée-Lazenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, si vous voulez nous joindre, le 02-344-58-55. 02-344-58-55. Mon corps, ta gueule. Tu es femme, tu es gwyn, tu es trans, tu es lesbienne, tu es voilée, tu es hétéra, tu es noire, tu es blanche. Tu es bi, tu es en situation de handicap, tu es intersexe, tu es sans papier, tu es travailleuse du sexe, tu es maghrébine. Tu es féministe et tu es bien plus encore. La rue est à toi. Viens à la Reclaim the Night. Rendez-vous à Bruxelles le 11 février dès 13h au 123 rue Royale pour les ateliers préparatoires. Et à 19h30 pour la marche au flambeau au Mont des Arts. Voilà, c'était pas mal pour, comme jingle, c'est pour demain. Donc, grouillez-vous. Sinon, vous trouvez les informations sur Indymedia Bruxelles, entre autres, certainement. Alors, nous avions invité les personnes qui s'occupaient de l'organisation de cette marche au flambeau féministe, qui a lieu d'ailleurs tous les ans, où c'est des femmes qui marchent pour s'approprier la rue. Et, pas seulement les femmes, apparemment. Il y a des transgenres, les cuirs et les pingouins aussi. Les pingouins. Donc, voilà. Donc, c'est toute une marche au flambeau qui a lieu demain à partir de 20h, je crois, non ? Oui. C'est ça, 20h, oui. Nous avions invité donc certaines personnes qui s'occupaient de la préparation de cette marche et elles ne pouvaient pas venir ce soir, malheureusement. Mais elles seront probablement là la semaine prochaine. Donc, si vous voulez, elles raconteront comment ça s'est passé, quel est le but de cette marche. Voilà, enfin, plein de choses intéressantes, je pense. Voilà. Ouais. Ce soir, nous allons faire autre chose. Oui, on va faire autre chose. Parce qu'elles nous ont mis un peu... Elles nous ont... Donc nous allons faire toujours chose. Un plan B, voilà. Ouais, nous avons trouvé un plan B. Ouais. On a sorti le plan B, on a décidé du plan B hier soir en fait, puisqu'on était au Magic Land Theatre, donc un théâtre à Skarbek, près de Place Litz, où on a été voir Mélopolis, qui est une pièce qui mélange l'histoire de la Commune de Paris avec Les Misérables de Victor Hugo. Voilà. C'est un peu un micmac. Donc, mais bon, il faut dire que ben, déjà la pièce elle est intéressante pour les nuls, dans le sens qu'il y a plein de, oui, mais oui, ben, moi je suis un nul, tu vois. Les Misérables, je ne les ai pas lus, j'ai pas vu la pièce de théâtre, j'ai pas regardé le film, tu vois. J'ai entendu vaguement parler de Gavroche, tu vois, ça c'est quelque chose qui résonnait. Gavroche, le gamin parisien. Titi parisien. Mais le catch à Bruxelles, c'est le titi parisien. Et ben voilà. Donc, comme j'ai dit, voilà, c'est pour les nuls aujourd'hui, comme nous. C'est quoi le mur des fédérés ? C'est quoi les fédérés ? C'est quoi les fédérés ? En fait, c'est les gardes nationaux de différentes régions de la France, parce que c'était organisé localement, qui se sont fédérés à un moment et qui ont signé un document. Ah. Et donc, j'ai eu du mal à trouver, mais je pense que c'est ça. Voilà, donc, il y a plein de choses comme ça dans la pièce, et on s'est dit, ben voilà, on va. Il faut savoir qu'il y a 4 ans, j'étais le sidekick de Ankervrouw dans l'émission de Anvaring, une émission néerlandophone. Et on a été interviewé Xavier de Magic Land Theatre. Et bon. On va repasser l'interview, c'est plus ou moins 25 minutes. C'est très intéressant comme histoire de la troupe de théâtre et tout ce qu'ils ont fait. Il faut bien savoir que c'est 2013, donc il y a certaines choses qui ont peut-être évolué entre-temps, notamment sur les Zinniker et tout ça, vous allez entendre. Je ne sais pas si la question, la relation avec la Zinniker, c'est toujours d'actualité. Enfin, donc il y a des choses qui auront changé, mais je trouve que c'est une interview très chouette. Ceci dit, l'interview commence en néerlandais. Mais très, très vite, sa vie laisse tomber. Et il continue en français. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez 30 secondes ou 40 secondes de néerlandais. Et puis, il va dire la même chose en français. Et puis, ça continue en français. Voilà. Het is een compagnie die bestaat al voor meer dan 30 jaar. Is geboren in de jaren 70. En het was een utopie. Die waren mensen in die jaren die wilden de leven... Je vais faire en français. Oui. Qui voulait faire surtout les choses ensemble. Les années 70, c'est les années des grandes utopies collectives. Et donc, c'est avant tout des amis. Et qui voyagent en camionnette du nord au sud de l'Europe. Si ça s'appelle Magic Land, s'il y a une connotation anglo-saxonne, c'est parce qu'ils se sont installés en Suède, d'abord. Ils ont aussi fait partie d'un kibbutz en Israël. Mais en tant que non-juif, il n'y avait pas une place... déterminante. Et donc c'est un collectif à géométrie variable, c'est-à-dire qui est rejoint par des personnes, que des personnes quittent, mais avec quand même certains qui en sont les piliers. Et ils ont commencé à fabriquer des marionnettes dans la migration de leurs camionnettes pour vivre. Ils ont commencé à fabriquer des objets et à les vendre. Il se fait que c'était des marionnettes. Et puis de fil en aiguille, ils ont commencé à faire vivre ces marionnettes et donc à faire des spectacles avec des marionnettes et puis à faire des spectacles de théâtre de rue. La petite légende qui raconte encore aujourd'hui, que Patrick Chabou, le fondateur et directeur de la compagnie, raconte encore aujourd'hui, c'est qu'un jour, ils sont engagés en Belgique et qu'ils sont payés en francs. Et qui pensent qu'ils sont très très bien payés et qui font pas le calcul que le franc belge vaut 6 fois moins que le franc français et qu'ils ont même pas assez d'argent pour remettre de l'essence dans leur camionnette et retourner en France. Est-ce que c'est vrai? Ça paraît trop beau pour être vrai, mais ils le racontent encore aujourd'hui avec beaucoup de conviction. Donc je suis obligé de croire, moi, que c'est vrai. Et ils s'installent à Bruxelles, donc, où très vite ils ont beaucoup de chance, où ils rencontrent des gens comme Philippe Geluck, où ils intéressent des gens de la RTBF, donc de la télévision nationale, et ils font une émission pour les enfants qui s'appelle Lollipop, qui a un ton résolument moderne et même neuf en ce qui concerne les émissions pour enfants à la télévision. Et donc ils obtiennent tout de suite un succès populaire en Belgique francophone assez grand, et ça leur permet après de créer leurs propres spectacles qui sont... avec tout de suite une certaine popularité pour la compagnie parce qu'elle bénéficie un peu de ce qu'ils ont fait à la télévision. Et quand est-ce que vous êtes arrivé en fait à la compagnie ? Moi, je suis arrivé en 2004 en organisant une tournée pour la parade de rue en Espagne parce que j'avais des contacts en Espagne et un des comédiens du Magic Land avait David Notebar était un chanteur de rock avec lequel j'avais beaucoup bossé et sachant que je partais en Espagne il m'avait dit écoute si tu peux faire quelque chose pour nous maintenant je travaille au Magic Land on a une parade de rue c'est-à-dire que c'est parade de rue c'est comme un défilé de carnaval un peu c'est beaucoup de couleurs et d'énergie dans la rue ça mélange des circassiens et comédiens, c'est des feux d'artifice, des échassiers, des comédiens, avec à l'époque c'était des gros dragons sur échasse et une batucada de percussion. Et j'ai trouvé ces contacts en Espagne et fatalement je suis parti avec eux. Et puis de fil en aiguille, on m'a trouvé une place ici. Officiellement, je suis coordinateur artistique de la Zineke Parade. Parce que c'est un emploi qui est subventionné par la région bruxelloise, un ACS. Et donc voilà, pour service rendu par le Magic Land à la Zineke Parade, je suis un peu comme un coordinateur de la Zineke déplacé au Magic Land. Oui, j'ai vu que le Magic Land était engagé dans la Zineke Parade surtout à certains instants. Surtout au début. La première édition, en 2000, le Magic Land a été très très fort impliqué. Les deux suivantes un petit peu moins et maintenant il faut bien le dire presque plus sauf certaines personnes du Magic Land à titre personnel sont encore impliquées c'est-à-dire que des comédiens peuvent participer avec des maisons de jeunes particulièrement à Saint-Josse où la scénographe Isis la scénographe du Magic Land elle participe encore souvent elle gère encore beaucoup d'ateliers pour la Zineke mais c'est plus des démarches personnelles qu'une démarche de toute l'équipe du Magic Land qui a un peu fait le tour de la question, si on veut. C'est un événement qu'on apprécie beaucoup, la Zineke Parade, mais voilà, ce qu'on pouvait y faire en tant que théâtre, peut-être qu'on a fait un peu le tour de la question. Mais cette année, par contre, à Dunkerque, on participe à un peu une zine que parade locale qui s'appelle le Grand Voyage. Et c'est un grand défilé de carnaval, associatif aussi et participatif aussi, puisqu'il s'agit avant tout pour les habitants de Dunkerque de créer une grande parade qui, en l'occurrence, représente la vie de monsieur et madame tout le monde, de la naissance jusqu'à la mort. Et donc, il y a différents tableaux qui se succèdent. Et nous, on s'occupe de deux tableaux, celui de la mort et celui qui s'appelle « Ça roule », des familles avec des poussettes qui commencent à avoir des enfants. Une autre question. J'ai vu que donc il y a le Magic Land Theater en tant que compagnie, et puis quand on commence à voir sur internet, à gratter, il y a plein de choses qui, tu tombes sur plein de choses différentes. Ça peut aller des parades avec les brigades du gag par exemple, et puis on voit aussi des artistes qui font un peu leur choses dans leur coin, ou qui font des trucs en solo ou avec d'autres. Et en fait, le Magic Land Theater aujourd'hui, est-ce que c'est une compagnie ou est-ce que c'est un réseau, plus ou moins? Eh bien, c'est entre les deux. C'est-à-dire qu'on a un peu perdu, il faut bien l'avouer, j'espère que c'est toujours une compagnie, mais on a un peu perdu cette utopie collective. Maintenant, ce sont des individus qui ont une personnalité forte, qui se réunissent parfois au Magic Land et qui, à d'autres moments, défendent des projets plus personnels. Aux grandes dames, à la grande déception de Patrick Chabou, évidemment, qui voudrait que ce qu'on peut faire à l'extérieur pour notre propre compte, on le fasse sous la bannière Magic Land. Ce serait évidemment profitable à la compagnie, ce serait comme un label qu'on défendrait aussi en dehors. Mais malheureusement, on vit dans une société plus individualiste, et dans une compagnie, les comédiens ne se trouvent pas toujours suffisamment gratifiés par rapport à ce qu'ils pensent être leur talent ou ce qu'ils pensent être ce qui leur revient de droit. Et donc, quand ils ont parfois une idée personnelle, ils préfèrent la faire fructifier de leur côté. C'est vrai. Ce qui n'existait pas avant. Mais ça reste une compagnie, je pense, par la force des choses. Par exemple, cette année, avec des comédiens comme Christelle Delbrook, comme John Mossou, comme Bruce Ellison, etc., on est rentré ici au mois de septembre pour Mélopolis, et on s'est quitté à la fin du mois de mars, à la fin de Nuit Torride à l'Hospice. Ça veut dire que pratiquement, de septembre à mars, on a quand même vécu ensemble presque tous les jours de la semaine, et presque tous les soirs de la semaine aussi, parce qu'il y a des représentations, et puis des fêtes aussi qui se passent entre nous. Donc, si on regarde un peu le temps qu'on passe ensemble, on peut dire que par la force des choses, on est quand même encore une compagnie. Encore une fois, vous êtes que nu en de weg? Nee. Vous êtes zo stille, Chris? Ja, aan het denken. Ok. J'ai aussi vu que, enfin, par exemple, quand je regardais les vidéos de la manifestation en 2010, que vous revendiquez le terme du théâtre populaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en fait, d'être un théâtre populaire? Il faut savoir que pendant très très très longtemps, le Magic Land a été boudé par les pouvoirs publics, par le pouvoir subsidiant en communauté française, donc par le ministère de la Culture, sous prétexte que c'était quand même pas très artistiquement intéressant. Et la situation a un petit peu changé. Le dernier ministre, Fadila Lanane, a décidé d'apporter une aide qui, sans être suffisante, est quand même mieux que rien. Et donc, pendant très longtemps, le Magic Land a été boudé parce que c'était un théâtre d'humour. Les univers qui sont déployés sont quand même plus proches de l'enfance que de la prise de tête ou du théâtre classique. Et donc, moi, je pense que oui, c'est populaire parce que ça parle à un public qui n'a pas besoin d'être éduqué pour comprendre, surtout s'il est francophone, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux de mots en français. Donc, il faut quand même parler un peu le français, je pense, même si, justement, des enfants viennent, ne comprennent pas les subtilités du texte, mais sont pris par l'univers visuel. Je pense que visuellement, c'est important aussi. Et donc, c'est un théâtre qui se voulait populaire, qui est né dans la rue. Donc, ils ont commencé à faire du théâtre de rue. Donc, un théâtre qui est directement accrocheur, qui parle directement aux spectateurs, où on essaye de faire attention que la barrière entre la séparation entre le spectateur et le comédien est presque inexistante. C'est-à-dire que quand les spectateurs arrivent dans la salle, ils sont accueillis par des comédiens. Les comédiens, pas discutent avec eux parce qu'ils sont déjà dans un rôle, mais font comme si quelque part on jouait ensemble quelque chose. Et donc, tout ça fait que c'est du théâtre populaire. On ne respecte pas le sacro-saint quatrième mur, la grande séparation qu'il y a dans les théâtres classiques, etc. Et aussi, c'est quelque chose qui est fait pour capter le public très vite, avec parfois peut-être certaines facilités qui sont le propre du théâtre d'humour et de... Et pendant très longtemps, donc ça a été snobé comme étant un théâtre pas très sérieux. Donc je pense, moi, qui suis arrivé bien après, qu'ils ont fini par revendiquer très fort ce théâtre populaire parce qu'ils étaient un peu regardés de haut par les autres et par la presse et par les collègues et par les gens qui sortaient du conservatoire et les grandes personnalités du théâtre bruxellois. Je pense que s'ils avaient été immédiatement respectés, ils auraient peut-être pas revendiqué autant théâtre populaire. C'est du théâtre. J'ai une question peut-être pour ajouter. Pourquoi est-ce que c'est si important pour le Magic Land d'être populaire? Allez, c'est comme... C'est ce que j'essayais de dire aussi. Du coup, ça devient une fierté. Par exemple, tu peux faire quelque chose... Moi, j'aime beaucoup toutes les sortes de théâtre, mais tu peux faire quelque chose de très prise de tête. J'ai été voir, par exemple, au Théâtre Océan Nord, qui est notre voisin géographique, une pièce sur les pensées de Pascal. Mais les pensées de Pascal, pour mettre ça en scène, il fallait le faire, vraiment. Et le type, il avait un document sur lequel il expliquait toute sa scénographie. C'était génial. Mais il n'y avait personne dans la salle. Ici, la salle, elle est presque tout le temps pleine. Et donc, c'est une certaine fierté de dire, regardez, c'est populaire, ça marche, ça fonctionne. Les salles se remplissent et on vit autant de la billetterie que de l'argent qu'on peut recevoir d'un ministère ou qu'on va chercher dans la rue en faisant des parades de rue, des carnavals, etc. Donc, c'est important de... D'abord que le théâtre ne soit pas élitiste, d'abord que le théâtre s'adresse à tout le monde, mais c'est aussi important de dire, regardez, ça fait 35 ans que ça dure le Magic Land et que ça continue à fonctionner, c'est bien qu'il y a quelque chose de particulier et qui fonctionne avec le public. Et donc, c'est devenu une fierté, je pense, dans un second temps. C'est qui votre public, en fait ? C'est très difficile à dire, ça, parce que la chose qu'on espère le plus, c'est qu'ils se renouvellent. Et on le remarque maintenant, je dirais même qu'ils sont bourgeoises un petit peu. On avait un public plus populaire, vraiment des classes populaires, donc plus sociologiquement populaire avant. Et là, maintenant, j'ai cru constater, mais c'est mon point de vue de comédien sur scène, je ne sais pas, je ne suis pas en train non plus de parler avec tout le monde, j'ai cru constater qu'il y avait des gens un peu plus aisés qui venaient. Et au début, avec toujours cette émission pour enfants, Lollipop, qui passait sur la RTBF, ils avaient la particularité, puisque je n'en étais pas encore, de faire venir des gens de très loin, de Liège, de Namur. Et ça, c'est le syndrome télévision. Ils allaient voir les gens qu'ils avaient vus à la télé. Et donc pour ça, on se déplace. Maintenant, c'est quand même un public qui est plus bruxellois. C'est plus rare, je crois, quand les gens viennent de province, même si ça arrive encore. Et donc, je pense que c'est un théâtre où les gens aiment bien venir en groupe. Ça, c'est important. Qui est plus que dans les autres théâtres. C'est-à-dire qu'ici, les gens, ils font des groupes de 10, 15, 20, 30 amis pour venir ensemble au théâtre, faire un peu la fête, faire un anniversaire, faire des choses comme ça. Parce que c'est des pièces assez longues dans lesquelles on se laisse embarquer. Une fois, on parle de pirates. Une fois, on est avec des cow-boys. Une fois, on est très emperruqué Louis XVI. Donc, c'est toujours un contexte historique qui est très, très défini et qui permet un décalage. Et je dirais que c'est proche des Monty Python, moi, en fin de compte. Moi, en tout cas, c'est la référence que je vois en premier et qui me plaît aussi. C'est pour ça que c'est celle-là que je vois en premier. Mais c'est prendre un contexte historique très fort, s'intéresser plus à l'histoire qu'on voudrait bien le dire, mais raconter plein de choses absurdes après, à partir de là. Et en fait... Le théâtre est ici depuis 94. Depuis 20 ans, une vingtaine d'années. 94, c'est possible, tu sais ça mieux que moi. Ouais. Quel est votre rapport avec le quartier? Parce qu'il est assez particulier, vous êtes entre la rue d'Arscott avec la prostitution, la rue de Brabant avec la migration. Eh bien, on a des rapports avec le quartier, mais qui sont presque de l'ordre privé. Ça veut dire que quand le comité de quartier veut se réunir, Il y a un petit quête là du quartier qui a 15 ans, qui est très dynamique là-dedans, qui vient souvent me voir. On leur met trois tables, trois bouteilles de Fanta et ils se réunissent entre eux. Mais on a affaire à une population qui ne va pas beaucoup au théâtre. Et ils savent tous qu'on fait du théâtre. Ils ont appris à nous respecter. Moi, j'ai vu des paliers un petit peu curieux. Par exemple, quand la princesse Mathilde est venue ici, ils ont nettoyé tout le quartier, parce que dans le monde de la princesse Mathilde, tout doit toujours être propre. Et j'ai cru qu'ils allaient nous prendre en grippe un peu. C'est quoi ? C'est maintenant nos voisins du Magic Land qui accueillent la princesse Mathilde. Ah ben non, ils nous ont beaucoup respectés pour ça. La princesse Mathilde venait au Magic Land. C'est quand même, on devait être une bande plus sérieuse que ce qu'ils avaient pensé. Qu'est-ce qu'elle venait faire ici ? Elle venait voir Odile Mathieu, pour être franc. Odile Mathieu et Thierry de Coster. Et Odile Mathieu, c'est une Madame Petite Deux, ce qui ne l'empêche pas d'être une comédienne super douée, splendide, et qui fait des spectacles qui marchent très très bien aussi. Mais ça, c'était surréaliste, tu sais. Donc, Princesse Mathilde est venue entourée de types de la sécurité de l'État avec des oreillettes et qu'on voyait un petit peu partout. Ils ont nettoyé, donc on vit près des prostituées, tu viens de le dire, et souvent quand les gens ont été visiter une prostituée, ils font leurs besoins dans la rue, donc ça sent l'urine très très fort. Subitement, ils ont nettoyé le quartier comme ils n'avaient jamais fait depuis que je suis ici. C'est pour ça que j'avais un peu honte, moi, pour les riverains, parce que je me dis, enfin, ils vont se dire, on nettoie mon quartier seulement quand la princesse Mathilde est en déplacement. Elle est venue en marche arrière, puisque la rue est en sens unique, pour ne pas qu'elle passe dans la rue des prostituées, parce que dans le monde de Mathilde, la prostituée, ça n'existe pas. Et puis, elle a débarqué ici, avec les dames de compagnie et tout le truc. C'était hallucinant. Et cette femme n'a pas beaucoup de second degré. Par exemple, elle a dit à Patrick, le directeur de la compagnie, « Ah mais, écoutez, je ne savais pas qu'il y avait un théâtre. C'est chouette, vous savez, parce que j'habite pas très loin. » Patrick lui a répondu qu'on lui enverrait l'information parce que son adresse ne devait pas être très dure à trouver. Et donc voilà, c'était un échange comme ça très drôle. La princesse Mathilde vit dans un autre monde que le nôtre, il faut le savoir, mm-hmm. Définitivement. Ok. Et maintenant que, en fait, la saison de théâtre ici est finie, qu'est-ce que vous faites en été ? Vous partez faire du théâtre de rue ou quelque chose ? Ben, par exemple, on va jouer à Carpentras cet été dans le sud de la France, dans ce qu'ils appellent la cour des Belges, de Belges à que nous, pour la deuxième année consécutive. Et là, contractuellement, on doit ramener un côte à frites et des fûts de bière, parce que c'est la cour des Belges, donc on fait du théâtre, mais aussi on présente quelques spécialités belges. Et on fait beaucoup d'animations aussi. Par exemple, samedi, il y a des comédiens du Magic Land qui seront dans les couloirs du Palais des Beaux-Arts pour la clôture du Festival du Film Fantastique. On participe à cette parade participative à Dunkerque. Et on fait beaucoup d'animations, comme ça, publiques ou privées, certains festivals de théâtre de rue, d'autres fêtes un peu plus locales, et aussi on loue même les services des comédiens pour des animations privées. Si des gens veulent se marier et qu'ils veulent un faux serveur ou pour des fêtes... Et paradoxalement, c'est une manière un petit peu de nous financer. Ça veut dire que quand un comédien fait une animation comme ça pour le Magic Land, il reçoit un cachet. Et puis, il y a une petite part du budget qui est demandé pour chaque comédien qui revient dans les caisses du Magic Land. Et cet argent qui est dépensé permet de créer des spectacles qui sont, eux, plutôt déficitaires. Parce qu'un spectacle de théâtre, même dans une salle remplie, quand on a payé les régisseurs, les costumiers, les décorateurs, les scénographes, les comédiens, l'équipe administrative aussi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui est impliqué dans la création d'un spectacle. Oui, en fait, il y a combien de gens qui travaillent dans la compagnie ? Alors, de nouveau, c'est très difficile à dire. Il y a 5 employés à plein temps, mais qui sont plutôt... Oui, c'est beaucoup. Quelque part, c'est beaucoup quand même. Mais c'est plus une équipe d'administration, gestion quotidienne qu'une équipe artistique. Bon, il y a Patrick Chabou, qui est le directeur de la compagnie, et Yves, qui est un régisseur, technicien, décorateur, constructeur. Mais les autres emplois, on est plutôt dans le promotionnel et l'administration que dans l'artistique. Donc ça veut dire que les comédiens, eux, fonctionne encore au cachet, comme beaucoup d'artistes, en fait. Ça va, mais peut-être que je n'ai pas bien compris. Alors, vous faites les pièces théâtre ici? Il y a des gens aussi qui utilisent le bâtiment et vous faites des parades ailleurs. Il y a aussi des autres activités. On essaye de créer d'autres spectacles de rue. Ouais. Il y a des plus petits modules aussi, il y a des duos, des chassiers. On va relancer un curé et son bedeau avec leur confessionnal mobile. Ça s'arrête jamais vraiment. Patrick, là, est en train d'écrire un spectacle pour une compagnie de théâtre amateur. On va vraisemblablement, avec une clinique psychiatrique namuroise, la clinique du Beauvallon, dans le cadre de leur centenaire, monter un spectacle avec les patients, ouais, donc avec les fous, si je peux dire, et aussi le personnel qui les encadre, qui racontera l'histoire de cette institution, donc de l'hôpital du Beauvallon. C'est carrément génial. Après, on est encore qu'aux discussions de préparation et on est en train d'essayer de se mettre d'accord sur un budget et sur une méthode, puisqu'ils veulent raconter l'histoire de leur institution. C'est mieux que ça parte d'abord de chez eux, quand même aussi, mais c'est presque sûr que ça va se faire. Donc on cherche des projets un petit peu partout. Moi, en tout cas, je trouve que j'ai déjà bien assez de travail pour une année comme ça. J'en veux pas beaucoup plus. Oui, ça me fait penser. Vous faites du théâtre, vous êtes une centre culturel, artistique, mais votre public est populaire, votre message dans votre humour, c'est très... ça critique un peu notre état. Oui, on essaye. Oui, ouais. On essaye. Et puis vous faites des projets sociaux, artistiques sociaux, dans des... Mm-hmm. Alors c'est beaucoup plus large que... Voilà. On a quelque chose qui a très très très fort marché aussi, dont le succès nous a presque dépassé, créé avec le CPAS de Saint-Gilles. On a créé ce qu'on va appeler un module de théâtre action, disons que c'est un jeu de rôle en live avec des comédiens, de sensibilisation au surendettement. Ça veut dire qu'il y avait trois formes de parcours différentes, et nous on les reconnaissait en tant que comédiens à la couleur qu'ils avaient sur un petit badge. Le type qui devient indépendant, et puis c'est la catastrophe, et puis il a acheté plein de choses et il se surendette. Le type, son couple foire, et lui travaillait pas, c'était sa copine qui avait toutes les choses. Et donc, on les accompagne comme ça dans la spirale du surendettement. On les oblige à jouer le jeu avec nous. Moi, je faisais le facteur, il y avait un banquier, il y avait un huissier de justice, évidemment, et on les accompagnait vers des logements de plus en plus insalubres, on coupait l'électricité dans leur logement, et ça a très très fort marché. Donc, c'est s'adresse surtout à des publics d'adolescents et de scolaires, quoique, ou à des gens qui ont vécu vraiment la spirale du surendettement aussi. Et moi, dans un premier temps, j'avais cru ça marchera pas, les adolescents, ils vont nous regarder, ils vont trouver que c'est fake. Et c'est les adolescents qui se prenaient le plus au jeu, qui avaient peur presque. Le huissier, le comédien qui fait le huissier, David Notebar, qui fait ça très très bien, il fait un huissier cynique, dégueulasse. Les gens en avaient presque physiquement peur. Et donc, ça, c'est un très chouette projet aussi qui a bien marché, et on est bien là presque dans le théâtre social, le théâtre action, où là le message est très important. Et dans ce qu'on fait ici, c'est vrai que souvent c'est des grandes farces, mais il y a une petite critique sociale sous-jacente quand même. J'espère, ça ferait plaisir à Patrick Chabot que tu lui dises ça. Oui, alors votre public est beaucoup plus large que vous disiez avant, comme oui, on voit c'est populaire, mais on voit qu'il y a de plus en plus bourgeois. C'est aussi à la rue et dans des services, oui, et dans des... Mais... Et alors on a une billetterie qui malheureusement discrimine un petit peu. Ça, on me le dit encore tous les jours quand je rencontre des gens à Bruxelles. Parce que pendant très longtemps, la jeune génération a dit « Magicland, il y avait une image de gentil ringardise aussi ». Même si ça a toujours été engagé, etc., c'était pas tout à fait in. En tout cas, c'était mon ressenti, moi, par rapport aux gens qui sont vraiment dans les sphères culturelles et un peu alternatives à Bruxelles. Et je remarque de plus en plus que c'est pas vrai, que les gens sont très intéressés, mais ils me disent « Oui, mais une place de théâtre chez vous, c'est 18 euros ». Et malheureusement, c'est vrai. Et malheureusement, on vit très, très fort de la billetterie. Alors que les petits malins se rassurent, il y a toujours des tarifs réduits après les premiers jours. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Mais malheureusement, on discrimine. Il y a aussi possibilité pour les articles 27 de venir, mais dans certaines limites, ça discrimine quand même beaucoup. Il y a peu de gens de, j'allais dire de ma génération, mais même de la génération suivante, il y a peu de gens de 20 ans qui sont prêts à payer 18 euros pour aller au théâtre. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'autres possibilités d'aller pour 7-10 euros dans beaucoup d'autres théâtres. Et oui, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller parce que c'est 18 euros. Oui. Ouais. Oui. Je crois. Ouais. Ah non, je suis sûre. Je pense aussi, malheureusement. Oui. Et qu'on ne peut pas... On peut essayer de s'adapter à chacun, mais malheureusement, on doit garder une certaine politique tarifaire pour pouvoir garder le théâtre, tout simplement. Sauf si la ministre double encore la subvention l'année prochaine. Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance, et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades. Les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit avec toi, je vais aux barricades. La place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front. Sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères. Malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires, et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre. Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. Voilà, c'était la chanson « La commune est en lutte » de Jean-Roger Cosimon. Je ne connais pas bien Cosimo, franchement. Y a des amis parisiens qui en parlent de temps en temps. Apparemment, c'était un grand ami de de Léo Ferré. Il a écrit des chansons pour lui. Il a écrit, oui, il a été parolier pour lui. Bah, voilà. Et ça, c'était une chanson qui était sur son quatrième album en 1975. Une chanson qu'il a écrite pour le film « Le juge et l'assassin » de Bertrand Tavernier, où il joue aussi, en fait, quasiment avec Michel Galabru et Philippe Noiret. Et donc, il a écrit trois chansons pour le film, La commune est en lutte, Complainte de Bouvier, l'éventreur, et Sigismond, le Strasbourgeois. Voilà, donc... Pourquoi on parle de la commune? Oui, pourquoi on parle de la commune? C'est parce qu'hier, on a été voir la pièce Mélopolis, qui existe déjà au moins depuis 2009, je pense, donc qui est une pièce du Magic Line Theater, et dans la pièce, en fait, on mélange la Commune de Paris avec Les Misérables de Victor Hugo. Donc historiquement, c'est complètement faux. Mais voilà, ils font du n'importe quoi, ils font ça très très bien et ça marche très bien. Et ça commence déjà au début quand on rentre dans le théâtre, comme hier soir. En fait, on vend à la Criée le journal Le Cri du Peuple, qui était un des journaux les plus importants pendant la Commune de Paris, un journal de Jules Vallès, qu'on retrouvera aussi dans la pièce. Et notamment Xavier, il joue le rôle. Xavier, dont on vient d'entendre l'interview, joue le rôle de Jules Vallès. Et donc, durant la Commune, Jules Vallès, il intervient contre les arbitraires et pour la liberté de la presse. Il faut savoir que, en fait, il y a eu plusieurs tendances dans la constitution de la Commune commence à fonctionner. Donc il y a des gens qui sont plutôt libertaires, des gens qui sont plutôt la dictature du prolétariat. Et notamment, avec la Commune, donc il y a une explosion de presse locale à Paris, avec plein de journaux qui sortent. Mais de fur et à mesure, on va commencer à interdire les journaux qui sont critiques de la Commune, qui apparaissent aussi. Toujours, mais qui sont d'une autre opinion. Donc en fait, disons à la Commune, presque une semaine après le début de la Commune, donc c'est en mars 1871, il y a des élections donc, et il y a la Commune qui s'installe. Donc c'est une Commune avec des gens qui ont été élus. Hein. Et le Cri du Peuple a fait 83 numéros du 22 février au 23 mai. Ensemble avec La Paire du Chêne, qui était un autre journal, c'était le journal le plus répandu, le plus populaire à ce moment-là. Et donc, au Magic Land, en fait, ils refont même plusieurs numéros, j'ai vu, du Cri du Peuple. Pour un peu expliquer la pièce, pour introduire les personnages. Un colocataire à nous avait été la semaine passée, il avait ramené à la maison un numéro, et là j'ai vu hier qu'il y avait un autre numéro. Donc il y en a plusieurs. En fait, c'est dommage, on devrait les collectionner, mais bon. Donc Jules Vallès, il était d'abord à la commission de l'enseignement, puis à celle des relations extérieures. Et il appartenait à la minorité au conseil de la commune qui était opposée à la dictature d'un comité de salut public. Donc c'était ça la dictature du prolétariat qui s'était installée à un moment. Donc ça a commencé d'une manière beaucoup plus démocratique dans l'institution. Et puis ça a évolué vers quelque chose de plus dur, de plus répressif. Voilà, Karl Marx, par exemple, il a dit que la première dictature du prolétariat a eu lieu à la Commune de Paris. Et donc, durant la semaine sanglante, donc c'est la dernière semaine de la Commune de Paris, je pense du 21 mai au 28 ou 29 mai, donc c'est le moment où les troupes... Versaillais. Oui, Versaillais, donc ça veut dire les... Attends, je vais expliquer un tout petit peu d'où ça vient. Donc, à la base, on est dans le Second Empire. Hein. Donc, les Bonaparte sont de retour et commence une guerre avec l'Allemagne, la Prusse. Avec la Prusse. Parce qu'il y a une dynamique de fédération en Allemagne où on essaye de faire un nouveau pays. Et c'était la tendance vraiment... En Europe, à ce moment-là, c'est au moment que l'Italie est fédérée, est réunie et devient un État. C'est le moment où l'Allemagne devient un État. Et en France, ces dynamiques-là sont vues comme une menace pour la France. Et à un moment même, donc, il y avait le gouvernement en Espagne était à la recherche d'un nouveau roi. qui ont été demandés chez la Hohenzollern, donc qui était une famille princière en Allemagne, pour fournir un roi, comme ils ont fourni des rois en Belgique, par exemple. Et en France, c'est vu comme une menace. Et bon, il y a plein de choses qui se passent. Et en juillet, en gros, il y a une guerre qui a été provoquée par Napoléon III, hein, avec l'Allemagne, mais très vite, ça se passe très, très, très mal. Donc, il n'y a pas vraiment une armée bien préparée. En fait, c'est la garde nationale, ou les gardes nationaux, qui vont mener cette guerre et qui sont directement dans le défensif, et ça se passe mal. Et en septembre, en fait, c'est la fin de la Deuxième Empire, et donc Napoléon III, il doit partir. Et puis, il y a plein de choses qui se passent. Et entre-temps, il y a le siège de Paris pendant l'hiver 1870-1871. C'est très, très dur pour les Parisiens. Il y a une famine. Mais ça commence à bouillonner à Paris. Et donc, en gros, l'Assemblée qui avait été élue avec une majorité conservatrice, qui était plutôt de la province, et puis avec une minorité plutôt socialiste, progressiste, révolutionnaire, à Paris. Et donc, cette assemblée se prépare en fait à terminer la guerre, à capituler vis-à-vis de l'armée prusse. Mais à Paris, ils ne sont pas d'accord. Donc ça commence à bouillonner. Et à un moment, quand l'armée veut récupérer, par exemple, les canons à Paris, qui ont été payés par les Parisiens, donc ils ont acheté des canons pour défendre leur ville, ils essayent de les récupérer. Et donc, un jour, au mois de février, les gens du quartier sortent de leur maison et ils voient que l'armée est sur place et qu'ils vont récupérer les canons. Et à ce moment-là, il y a une fraternisation, en fait, entre l'armée et la population. Et donc, ils refusent de suivre les ordres des officiers. Et on peut récupérer les canons. Donc, les officiers doivent se casser et voilà. Et là, c'est le début de la Commune. Donc, c'est une situation révolutionnaire où les autorités de la République ne sont plus reconnues. Et on organise des élections qui met en place la Commune, en fait. Et donc, c'est dans ce contexte. Jules Vallès, comme d'autres, est une des personnes qui sont élues pour leur arrondissement dans disons, l'Assemblée révolutionnaire, une sorte de parlement de la Commune de Paris. Jules Vallès, durant la semaine sanglante, donc à la fin, où il y a des dizaines de milliers de personnes qui seront fusillées par l'armée régulière. Et par exemple, à deux reprises, on pense qu'ils ont fusillé Vallès, mais ce n'est pas vrai, en fait, parce qu'ils n'ont pas eu la bonne personne. Et donc, Jules Vallès, il a pu échapper au massacre. Voilà. Et puis, il y a le début de la pièce, donc tout le monde s'assoit dans la salle. On prend une bière, tout ça. On vend le journal. Et quand le début de la pièce, en fait, c'est les acteurs qui chantent Le temps des cerises, hein, Le temps des cerises de Jean-Baptiste Clément. Il faut dire ce qui est magnifique quand on veut parler de la Commune de Paris, qui a énormément de chansons. Donc, bien sûr, on n'a pas les enregistrements parce que ça n'existait pas. Mais il y a vraiment tout un patrimoine de chansons. Et Jean-Baptiste Clément, il a bien participé à ça aussi. Donc à un moment, il, en 1867, il arrive à Paris, il commence à fréquenter les journalistes, les gens, les militants autour de Jules Vallès. Et puis, enfin non, il arrive un peu plus tôt, mais il doit se réfugier en Belgique à un moment. Et c'est là que la chanson « Le temps des cerises » est publiée, en fait, c'est en Belgique. À un moment, il peut revenir à Paris, et là, il collabore à divers journaux d'opposition au Second Empire, tels que « La Réforme » de Charles Delescluze et Auguste Vermorel. Et puis, il est condamné parce qu'il avait publié un journal non cautionné avec l'empereur. Et il est emprisonné à la prison Sainte-Pélagie jusqu'au soulèvement républicain du 4 septembre 1870. Donc, comme j'ai dit, il y a la guerre qui est en cours, qui se passe très mal. Et à ce moment-là, il y a une sorte de révolution. C'est la fin du Second Empire. Bon, il est membre de la garde nationale. Il participe aux différentes journées de contestation du gouvernement de la défense nationale le 31 octobre 1870 et le 22 janvier 1871. Le 26 mars 1871, il est élu au conseil de la commune par le 18e arrondissement. Il est membre de la commission des services publics et des subsistances. Le 16 avril, il est nommé délégué à la fabrication des munitions. Puis le 21 avril, à la commission de l'enseignement. Dans le cri du peuple, il protestait contre la fermeture de certains journaux d'opposition à la commune. Combattant sur les barricades pendant la semaine sanglante, il écrit peu après la chanson « La semaine sanglante », qu'on va peut-être encore passer, qui dénonce la violente répression contre les communards. Donc je propose qu'on écoute le ton de Cerise. La pièce commençait avec ça. Et c'est la version chantée par Charles Trenet. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guérosignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes vermeilles tombant sous la mousse en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Voilà, donc la pièce commençait avec le ton des cerises. Et puis, on voit très vite, donc, en fait, dans la salle, il y a trois parties importantes dans le décor. D'un côté, enfin, il y a une barricade, puis il y a un pont, et puis il y a un bistrot. Enfin, on va revenir sur ça. Mais en tout cas, pour cette pièce qui s'appelle « Les enfants de la butte », Cette pièce est soi-disant écrite par Eugène Potier. Donc Eugène Potier est dans la pièce. Eugène Potier, on le connaît surtout parce que c'est l'auteur de L'International. Bon, il a écrit plein de chansons, mais L'International, bien sûr, c'est la plus connue. Ça a été traduit, je ne sais pas combien de langues. Il est dans la pièce et en fait, ce qu'il fait, c'est produire une pièce de théâtre de rue pour jouer cette pièce sur les barricades à Paris. Et donc, pour ça, il cherche des gens pour sa troupe, hein, pour mettre en place ce spectacle. Et c'est un peu... Et là, on voit apparaître déjà des personnages des misérables de Victor Hugo. Parce que là, on va les... Parce que par après, on va aller dans le bistrot des Thénardier, tu vois, Enfin, c'est le couple qui tient le bistrot dans Les Misérables. Et, avec Cosette. Ouais, Cosette, Gavroche, enfin, et tous ces personnages-là. Mais qui, donc, Gavroche, il joue dans la pièce, il joue de l'accordéon. Mais Cosette, elle ne peut pas, parce qu'elle ne peut pas jouer, parce qu'elle est très, très opprimée par ce couple. Elle doit tout le temps nettoyer, travailler dans... Surtout pas la mère. Oui, oui, dans le bistrot. Et donc, Eugène Potier, ben voilà. Donc, lui aussi, il a été membre de la Garde nationale. Et il a participé au combat durant le siège de Paris en 1870, puis il prend une part active à la Commune de Paris, dont il est élu membre pour le deuxième arrondissement. Il a siégé à la Commission des services publics, il a participé au combat de la Semaine sanglante, et en juin 1871, caché dans Paris, il compose son poème « L'International » et se réfugie en Angleterre. Condamné à mort par contumace le 17 mai 1873, il s'exile aux États-Unis, d'où il organise la solidarité pour les communards déportés. C'est de là aussi qu'il adhère à la franc-maçonnerie, puis au Parti ouvrier socialiste d'Amérique. Ruiné et à demi paralysé, il revient en France après l'amnistie de 1880. Donc, pour être clair, donc il y a plein de communards qui ont été tués pendant la Semaine sanglante. Et par après, il y a des procès, il y a des gens qui sont condamnés à mort, mais une grande partie est en fait est déportée en Nouvelle-Calédonie, notamment Louise Michel et d'autres. Mais lui, non. Donc, il a pu s'échapper. Voilà. Donc, je propose qu'on écoute un fragment de cette pièce, dont la pièce qui s'appelle « Les enfants de la butte », donc qui sera jouée sur les barricades, mais qui, dans la réalité d'aujourd'hui, en fait, une pièce qui est sortie de la pièce et qu'on peut voir dans un format de théâtre forain, parce que donc le Magic Land... Ils ont déjà fait un mur et tout ça l'été passé. Donc ils sortent cette pièce et donc du coup c'est plus petit, c'est 45 minutes et on le rejoue dans un autre contexte, dans la rue. Ben voilà, on passe leur publicité pour cette pièce. Les enfants de la butte qui vivent au petit bonheur. Il n'est pas question que je reste une minute de plus dans ce spectacle. C'est glauque, c'est pathétique et en plus c'est mal joué. Mal joué? Oui, mal joué. Oh mon Dieu, mon ami. Oh, ça fait si longtemps que vous ne m'aviez plus ainsi brouté les fingers. Tu crois bien que c'est le ménisque? C'est pas grave, Gino, tu sais. Un jour, je travaillerai suffisamment pour pouvoir te payer une opération. Et tu sais, chez les riches, il y a des médecins qui font des miracles. Oh, comme tu es bonne, ma Lola. Oh mon Dieu, qu'allons-nous devenir, papa? C'est pas grave, ma petite chérie. On en a vu d'autres. Regarde. Il a neigé sur yesterday. Ouais. Tu veux dire qu'il est tombé quelques gouttes hier? Oui, c'est ça. Va donc me chercher mon vieux casque pour en faire une soupe hier. Oui. Oh, si seulement il nous restait deux, trois petites couilles hier. Je squatte. Je perle du froid. Encore un accès de chikungunya. Ah, le soleil qui pointe. Oh, il faut que je rentre chez moi. Eh bien, vous l'aurez voulu. Ah, oui, attention. Oh, attention. Oh, oh, oh, maman, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que papa n'était pas mon papa? Et toi, papa, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que maman n'était pas ma maman? Et vous, hein? Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit que mes parents n'étaient pas mes parents? Dis-toi que j'aime désormais. Pas dans les fleurs, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les enfants de la lune. Voilà, ben voilà. En parlant de Jeanne Potier, j'étais tenté pour faire passer l'international, mais bon, tout le monde connaît ça. Par contre, j'ai été un peu regardé dans les chansons qu'il a fait. Il y a vraiment des chansons très d'époque, assez sanglantes et un peu choquantes, je trouve. Voilà, notamment, et j'aimerais bien faire passer ça. C'est le pressoir. Et le refrain, c'est « Chantons le martyr en extase, chantons la vendange et l'espoir, chantons les grappes qu'on écrase, les grains saignants sous le pressoir. » Donc l'image, c'est de femmes qui vont faire la vendange, puis les raisins sont dans le pressoir, mais là, c'est pas vraiment des raisins, en fait, c'est des corps, des gens qui se sont sacrifiés, les martyrs, et en espérant que quelqu'un pourra faire du bon vin avec le sang qui sort des corps dans le pressoir. C'est assez glauque, je trouve. C'est aussi très d'époque, certainement. Et c'est un peu aussi comme le chant national français. Qu'un sang impur abreuve nos sillons, c'est la même chose. Ouais, c'est truc avec le sang et la nation et tout le bazar, c'est assez glauque, hein, franchement. Mais c'est très bien écrit, c'est très bien fait. Moi, si vous ne connaissez pas le texte, bah, probablement vous ne connaissez pas le texte comme moi, ça vaut la peine d'aller voir sur Internet. Si vous voulez trouver des chansons révolutionnaires ou des choses comme ça, il y a un très très bon site italien qui s'appelle antiwarsongs.org. Et c'est là que j'ai trouvé plein de références. Il y a je ne sais pas combien de milliers de chansons. On a plein de langues. Il y a tous les jours de nouveaux enregistrements qui sont publiés. J'ai vu aujourd'hui, il y avait des trucs de nos borders et tout le bazar. Et ça s'appelle antiwarsongs.org. C'est très intéressant. Moi, je propose qu'on écoute d'abord le terrible pressoir. Chantons le martyr en extase, chantons la vendange et l'espoir, chantons les grappes qu'on écrase, les grains saignant sous le pressoir. Dans un ciel d'automne orageuse, la lie a barbouillé l'azur. Sa entendeau, la vendangeuse, porte à cuvée le raisin mûr. En bouillonnant, la grappe tombe, puis la vis tourne avec effort. On dirait la vaste hécatombe des martyrs pâmes et dans la mort. Chantons le martyr en extase, chantons la vendange et l'espoir, chantons les grappes qu'on écrase, les grains saignant sous le pressoir. Où sont mes grappes? Leur sang coule, disent les pampres du coteau. On les torture, un pied les foule, le pressoir les tient sous les dos. Tu les crois mortes, pauvres feuilles, plus vivantes à chaque tour. Le bon vigneron les recueille en flot de jeunesse et d'amour. Chantons le martyr en extase. écrase les grains saignants sous le pressoir. À qu'un chant d'espoir nous soutienne, Nassillon m'a repressuré. Ou que l'exil jette à Cayenne, cher après soir grain torturé. Si le présent n'a pas mémoire dans la coupe de l'avenir, versez, versez votre âme à boire. La grande soif va revenir. Chantons le martyr en extase. Chantons la vendange et l'espoir. Chantons, chantons les grappes qu'on écrase, les grains saignant sous le pressoir. Chantons, chantons les grappes qu'on écrase, les grains saignant sous le pressoir. Oui, et puis à un moment sur la barricade, donc je parle de nouveau de la pièce, on passe au bistrot des Thénardier. Et là, on avait déjà retrouvé des personnages comme Gavroche, puis on retrouve Cosette, la pauvre petite qui est confiée. Là, c'était encore elle intéressant. Elle n'est pas confiée, elle a été récupérée par, par Thénardier, qui l'a retrouvée dans la rue, elle n'a pas été confiée. Non, non, non, si j'ai bien compris. Bon, je n'ai pas vu la pièce, ni lu le livre, ni le film. Je pense qu'il est grave. En fait, il y a la mère Fantine. Mm-hmm. C'est la mère Fantine qui a été abandonnée par son amoureux, donc du coup, était une mère solide. Elle a abandonné Cosette. Non, c'est pas ça. Oui, mais en fait, du coup, elle a été abandonnée par son amant, Fantine, et du coup, elle doit travailler pour pouvoir vivre. Avec sa fille et des choses comme ça. Mais en fait, ce qu'elle fait, elle rentre à Montreuil-sur-Mer, où on a été en janvier. Elle rentre à Montreuil-sur-Mer et elle laisse sa fille avec les aubergistes, puisque si elle va chercher du travail en tant que mère solitaire, elle sera très mal vue, elle ne trouvera pas du boulot. Donc elle doit cacher sa fille, soi-disant. Donc elle laisse sa fille avec les aubergistes. Elle va travailler et puis elle paye en fait le logement, enfin la prise en charge par les aubergistes avec le travail qu'elle trouve à Montreuil. Et mais bon, la fille elle est très maltraitée, elle doit travailler et la mère elle doit continuer à travailler et travailler de plus en plus parce que les aubergistes demandent de plus en plus de pognon. Donc, apparemment c'est ça l'histoire dans Les Misérables. Bon, voilà. C'est ce que j'ai lu sur Wikipédia. Hein. Je vous l'annonce. Et donc, à ce moment-là, tu vois, la pièce, elle bouscule d'un côté à l'autre. Mais il y a encore un élément qui est rajouté. C'est notamment le dépeceur de Belleville qui fait un peu le lien entre l'histoire des Misérables et l'histoire de la Commune de Paris. Et là, franchement, j'ai cherché. J'ai trouvé, surtout l'Internet, une référence au dépeceur de Belleville, mais ça ne valait pas grand-chose, c'était juste quelque chose qui a été repris dans un journal qui s'appelle Mercure en 1904, qui parle des dépeceurs, tu vois, comme un phénomène criminologique, donc les gens qui tuent et puis qui vont dépecer le corps pour plusieurs raisons et tout avec toute une analyse. Et là on parle à un moment du dépeceur de Belleville, mais franchement je ne suis pas au courant de quoi il s'agit exactement. On parle beaucoup du dépeceur de Mons par exemple, ça c'est très très très connu, mais le dépeceur de Belleville je ne l'ai pas retrouvé. Dans la pièce en fait c'est un bourgeois, tu vois, un escroc qui à la fois va rejoindre la troupe pour jouer la pièce Les Enfants de la Butte, qui va aussi faire l'espion pour les troupes versaillistes, comme on dit, donc l'armée régulière qui a maté la Commune de Paris. Et lui, à la fin, il est capté par l'inspecteur Javert, tu vois, qui est aussi un personnage de Misérable. Mmh. Mais là, c'est très différent, parce qu'apparemment, dans le Misérable, donc il y a le bourgmestre de Montreuil-sur-Mer qui, à un moment, qui prend soin de Cosette, hein, donc la fille qui a été confiée aux aubergistes Thénardier. Et puis, avec le temps, ils s'échappent, voilà, ils vont à Paris et bon, là, il la sauve. Et elle devient très belle, tu vois, elle tombe amoureuse, tout le bazar. Et puis, il y a Jean Valjean, comme ouais. Je pense qu'il s'appelle. C'est oui, Jean Valjean. Oui. Le flic. Mm-hmm. Et donc, Javert le traque constamment. Et puis, apparemment, il le trouve, il fout la merde et... À la fin, il paraît, il se suicide parce qu'il a compris en fait que Jean Valjean c'était un mec bien quoi. Mais bon, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez trouvé de la pièce? Génial. Et c'est vrai que tantôt on a entendu une partie de la pièce, mais c'est vraiment comme ça l'ambiance. Hein. On rigole beaucoup. Il y a plein de C'est très burlesque, ça bouge de tous les côtés. Et j'aime bien, j'ai vraiment bien aimé. En fait, ce qui se passe, c'est que bon, quand il dit que c'est. Quand tout à l'heure dans l'interview, il disait que c'était un truc populaire, humoristique, compréhensible pour pas mal de gens qui parlent français et tout ça. Mais ça fait quand même référence au niveau des enfants, enfin des ados, ça fait quand même référence à des... Il y a des subtilités humoristiques assez... qui font référence à des trucs actuels, en fait. Que moi, je ne comprends pas comme néerlandophone. Non, mais pas uniquement comme néerlandophone. Je pense qu'il y a des jeunes français qui... Il y a des subtilités qui ne comprennent pas parce que ça fait référence à des choses qui ne sont pas forcément connues, tu vois. Et c'est vrai que, bon, c'est assez rigolo. Il y a dans cette espèce de truc de l'époque du 19e siècle, tu vois, qui fasse référence comme ça, des jeux de mots assez marrants, tu vois. Je ne fais pas Lady Gaga, tu vois, des choses comme ça. Oui, Lady Gaga. Mais Lady Gaga, tout le monde connaît ça, c'est parce que, bon... Mais il y a plein plus de subtilités que je capte pas. Hein. Donc, ouais. Ouais, quand il y a le type qui s'appelle Béjart, et alors à un moment il lui dit allez, du ballet, Béjart. Ah. Voilà, j'ai pas compris. C'est le ballet de Béjart. C'est vrai qu'il fallait tout voir la subtilité. D'ailleurs, personne n'a rigolé parce que bon, personne n'a remarqué le truc. Il y a quelques personnes qui ont fait ouh. Oui, en plus, ça va vite aussi, hein, parce que j'ai entendu quelqu'un qui parle, qui est francophone, qui dit déjà les jeux de mots, ça travaille, il faut déjà comprendre. Et tu vois, après, tu rigoles un peu plus tard que les autres. Allez, tu vois, c'est tout le monde un peu. Ce qui était bien, tu vois, c'est qu'il y a plusieurs niveaux, et tout le monde va capter un niveau ou l'autre. Mm-hmm. En fait, là-dedans, ça peut être le visuel, ça peut être le truc, le tronche, tu vois. Ça... Oui. Et à la fin, tout le monde s'amuse. Ça vaut la peine d'y aller, même si tu ne comprends pas tout à fait. Allez, tout ce qu'ils disent, c'est ça qu'ils disent, c'est très visuel. Il y a surtout des jeux d'acteurs assez extraordinaires qui font partie du mime, du cirque, de la gestuelle. Enfin bon, il y a des il y a la scène de la fin où ils se retrouvent sur les barricades, où ils sont tous massacrés. Et alors, tous les acteurs jouent au ralenti, tu vois. Ils tombent comme ça, complètement au ralenti, tu vois. Et tout se passe comme si c'était, tu vois, une apocalypse, mais filmé complètement au ralenti. Et c'est incroyable, tu vois, parce que c'est une maîtrise du corps et maîtrise du geste que tu peux faire, tu vois, le type qui tombe un moment le tout grand là qui tombe un peu dans les barricades, enfin dans les cailloux là, tu vois, tous les cailloux des barricades, et c'est inimaginable. Non, il y a vraiment des trucs assez extraordinaires. Moi, il y a certaines choses qui étaient un peu chiantes, bon, c'est mon avis, mais je trouvais que la femme de Thénardier, enfin la grosse là, elle était parfois un peu trop, tu vois, trop, un peu trop. Moi, je trouve que c'est caricatural. Ouais, hein? Caricatural. Caricatural. Un peu trop, oui. Ouais, mais il y a des moments où j'ai énormément apprécié ce qu'elle faisait, tu vois, quand elle chantait, quand elle... Ouais. C'est vrai qu'elle va vraiment très, très loin. Dans... Oui, elle va très loin. Mais moi, celle que j'aimais beaucoup, c'était celle qui avait ses donates, là, comment elle s'appelait. Ah, oui. La vendeuse Lola. D'allumettes. Lola, la vendeuse d'allumettes. Elle était géniale. Elle était vraiment géniale. Mm-hmm. Ouais. Ah, oui, Lola. Elle joue vraiment bien. Ouais. À chaque pièce, je l'adore. Mm-hmm. Ouais. Ouais, ben moi aussi en fait cette scène finale avec en slow motion, donc c'est la fin de la barricade, tout le monde se bat, tire et tout le monde se fait zigouiller l'un après l'autre. Et ben ça m'a très fort touché en fait, tu vois, j'étais presque en larmes. C'est dingue parce que oui, et alors c'est marrant parce que c'est ce que disait je sais plus qui, c'est toi qui as dit ça hier soir, que ils auraient dû terminer la pièce là. Plutôt que de refaire un truc après, tu vois. Je trouve qu'ils auraient dû s'arrêter là, en fait, la pièce, tu vois. C'était... Avant ou après cette évocation? Non, le ralenti, tu vois. Le ralenti, et puis stop, la pièce aurait dû s'arrêter là, tu vois. Alors qu'après, ils ont refait une chanson des Enfants de la Butte. Ouais. Et en fait, ils auraient pas... Moi, je trouve que d'avoir rajouté ça, c'était trop. Oui, c'est vrai. Ouais, je pense que t'as raison. Mais bon... Le problème, c'est maintenant que c'est complet. Donc, pour les gens qui veulent encore y aller ce week-end, c'est complet. C'est raté. Ceci dit, c'est une pièce qui est reprise... Déjà, tout... Depuis des années, ouais. ça revient de temps en temps, donc ça va certainement revenir. Donc, ça s'appelle Mélopolis. C'est... Voilà. Et quand ça revient, on vous en reparlera certainement. Il va y avoir une nouvelle création dans le courant du mois d'avril, je crois. Ce qui se passe au moment de l'occupation, la Gestapo, machin et tout. C'était l'hôtel de... L'hôtel de je ne sais plus quoi, je ne me souviens plus. Des âmes perdues, un truc comme ça. Oui, quelque chose comme ça, je ne me souviens voilà. plus. Donc d'abord, ils vont reprendre l'oracle de Delphes. Qui est un peplum en théâtre, apparemment avec plein de mecs en jupe. Donc c'est le moment, si ça vous plaît. Et, on l'a vu. Hein, nous, on l'a déjà vu, mais il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas encore vu. Et puis, il y a une nouvelle production qui sera lancée au mois d'avril, voilà, qui va parler de ce qui est plutôt la période 40-45, la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que quand on tourne dans l'interview, donc le prix c'est maintenant c'est 20 euros. Ouais. Dans l'interview c'était encore 18 euros. Mais c'est vrai qu'il faut, comme il a dit déjà, dans ce l'hôtel de la dernière chance. L'hôtel de la dernière chance. Qu'il y a quand même de temps en temps des concours qui font pour remplir la salle. Et là tu peux avoir le ticket à 10 euros. Et il y a aussi Arsène 50 qui vend aussi tous les jours certains tickets, certains nombres de tickets. Et même si tu vas en groupe plus que 15, là aussi, ça diminue le prix. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y a plein de gens qui viennent en grand groupe. Ouais. Ben voilà. Ben donc, le bon plan, si vous voulez participer au concours, qu'ils organisent souvent, disons, une semaine, 10 jours avant le début, devant la première. Pas toujours, de temps en temps aussi plus tard. Enfin, bon, n'importe. Okay. En tout cas, il faut aller sur le site. Et vous inscrivez votre adresse email, comme ça vous allez le newsletter. Ou bien vous passez par Arsène 50, mais ouais, ça, là, tu as les tickets à 11 euros, je pense. Oui, mais ça, c'est le jour même, bien sûr. Et soit tu passes à midi et demi en personne, dans le bureau à Place Royale, ou bien tu peux acheter à partir de 14 heures par Internet. Mais ouais, là, il y a ta. T'as peut-être le problème que les tickets sont déjà partis. Ah bon, mais avec cette scène finale, excusez-moi, de tout le monde qui crève, et c'est pas vrai historiquement, parce que Jules Vallès et Eugène Potier qui meurent sur scène, dans la réalité, ils ont survécu. Je propose qu'on passe le tombeau des fusillés de... Jules Jouip, si je prononce bien son nom, Et peut-être encore avec la semaine sanglante par après, puisqu'on y est. Voilà. On va laisser les deux morceaux. Bon, voilà, on laisse les deux morceaux. Ornant largement la muraille vingt drapeaux rouges assemblés, cachant les trous de la mitraille dont les vaincus furent criblés, bien plus belle que la sculpture des tombes que bâtit l'orgueil, l'herbe couvre la sépulture. Des morts enterrés sans cercueil, ce gazon que le soleil dore quand mes sordes bois réveillés, ce mur que l'histoire qui saigne encore, c'est le tombeau des fusillés, c'est le tombeau des fusillés. Semaine sanglante, sachez le l'agneau se souvient du peuple, la justice est lente, elle est lente mais elle vient, le fils fera comme le père, la vengeance vous guette au seuil, craignez de voir sortir de terre les morts enterrés sans cercueil, tremblez les lions qu'on pousse, mordent quand ils sont réveillés, fleurs rouges éclosent l'avenir pousse sur le tombeau des fusillés, sur le tombeau des fusillés. On ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins, parisiens de la misère, les heureux même sont tremblants, la mode est au conseil de guerre. Et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche. Les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du ramassée par la terreur de tous les chenapans de Bouge, valets de rois et d'empereurs. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Tous les pauvres s'y mettront. Demain, les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Voilà, donc si vous voulez vous retracer, vous... Bon, le problème c'est que vous ne pouvez plus voir cette pièce, mais c'était quand même pas mal. Je pense que le théâtre Magic Langue est un théâtre qu'il faut suivre parce que bon, ils ont quand même pas mal de difficultés financières et c'est des gens qui se donnent à fond dans leur théâtre et je pense que c'est bien de pouvoir les suivre. Donc on va passer maintenant à notre agenda avant de terminer. Donc demain...